Fleurindre les volets, une nouvelle journée commence. Les nuages s'écartent et le ciel apparaît. Un avion passe, Florent est en vacances. Florent rêve, Florent se réveille. À vrai dire, c'est presque pareil. Florent ferme la fenêtre. La journée est presque finie. Le soleil va bientôt disparaître. Le jour laisse place à la nuit. Florent rêve, Florent se réveille. À vrai dire, c'est presque